d'ailleurs, mes petits salopios, t'es qui le chef ici? Ouais, vous le savez très bien. Vous tout intérêt à m'obéir, sinon votre cul va sortir de mes savates. Bande de petits merdes, regardez-vous, avec vos faces de rats. Mais il a raison. Regardez-vous, tas de salopards. Vous êtes rien d'autre qu'une bande de paillasses humaines. Mais vous servez à rien. Vous n'avez pas compris encore qui c'était le chef. Le chef, c'est lui, et puis c'est moi. Pas vrai? Ouais, c'est vrai, gars. On va leur faire comprendre. Moi, je vais vous faire voler notre merde, si vous voulez. Alors, il faudrait savoir qui vous respecte ici, vous dégueu. Le boss, c'est nous. PG, petit con. Mais qu'une bande de petits pédés lombriistes. Vous n'avez jamais rien compris à la vie. Ouais, je vais vous l'apprendre. Vous êtes ici pour l'apprendre. Je vais bien en charger, ouais. Je vais vous prendre en main, vous allez voir. Bande de pédés. Il a parfaitement raison. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une telle bande de petits pédés de lopettes de merde. Vous avez bien compris ça? Vous avez compris? On dit pas ça pour vous humilier. On dit ça parce que c'est la vérité qu'on vient de la découvrir, bande de petits cons. Et que je ne vienne pas découvrir qu'il y a parmi vous un de ces salopards de petits activistes sournois de merde, hein? Un de ces petits branleurs que j'ai déjà entendu me traiter de facho, de conneries de ce genre. Je suis pas un facho. Je tiens à ce que tout le monde le comprenne ici. Vous l'avez bien entendu? Bon. Maintenant, je passe la parole à mon collègue qui va vous briefer sur votre connerie. Ouais, alors pour tous ceux qui nous auraient pas bien entendu, je vais répéter une dernière fois. À côté de nous, c'est Kuba. Kuba, c'est un Sénégalais. Il est bien bâti et bien membré en plus. Alors pour vous tous, bande de petits pédés, si vous ne réussissez pas, c'est un coup de bite dans le cul qui va vous faire rentrer nos ordres. J'espère que vous auriez bien saisi. Mon collègue et moi, on n'est pas trop ingrats. Alors on va vous souhaiter bonne chance.